RHT. Relax. Relaxez-vous dans la douceur. Du lundi au vendredi, de 14h à 15h, prenez le temps de vous relaxer. Cool et douce, c'est sur RHT. Chaleur, tendresse, émotion. C'est le temps des slow sur votre radio préférée RHT Guadeloupe, ma radio, mon territoire.

t'aimer à mon idée. Et mes mains sur son visage m'ont soudain consolé. Il restait la belle image d'une fille qui riait. Relaxez-vous dans la douceur.